Chapitre 19. Plaisir causé par les jeux. Chute, contraste. Comme dans le jeu de piquet, nous avons le plaisir de démêler ce que nous ne connaissons pas par ce que nous connaissons, et que la beauté de ce jeu consiste à paraître nous montrer tout, et cependant nous cacher beaucoup, ce qui excite notre curiosité. Ainsi, dans les pièces de théâtre, notre âme est piquée de curiosité, parce qu'on lui montre de certaines choses et qu'on lui en cache d'autres. Elle tombe dans la surprise, parce qu'elle croyait que les choses qu'on lui cache arriveraient d'une certaine façon, qu'elles arrivent d'une autre, et qu'elle a fait, pour ainsi dire, de fausses prédictions sur ce qu'elle a vu. Comme le plaisir du jeu de l'ombre consiste dans une certaine suspension mêlée de curiosité des trois événements qui peuvent arriver, la partie pouvant être gagnée, remise ou perdue, codille. Ainsi, dans nos pièces de théâtre, nous sommes tellement suspendus et incertains que nous ne savons ce qui arrivera. Et tel est l'effet de notre imagination que lorsque nous avons vu la pièce 1000 fois, si elle est belle, notre suspension, et si je l'ose dire, notre ignorance reste encore. Car pour lors, nous sommes si fort touchés de ce que nous entendons actuellement que nous ne sentons plus que ce qu'on nous dit, et ce qui paraît devoir suivre de ce qu'on nous dit. Ce que nous connaissons d'ailleurs, et seulement par mémoire, ne nous fait plus aucune impression. Les anciens n'avaient pas bien démêlé ceci. Ils regardaient comme des qualités positives toutes les qualités relatives de notre âme, ce qui fait que ces dialogues où Platon fait résonner Socrate, ces dialogues, si admirés des anciens, sont aujourd'hui insoutenables, parce qu'ils sont fondés sur une philosophie fausse, car tous ces raisonnements tirés sur le bon, le beau, le parfait, le sage, le fou, le dur, le mou, le sec, l'humide, traités comme des choses positives, ne signifient plus rien.